Parce que les forêts sont un des poumons de notre planète, le Forum économique mondial annonçait en 2020 la plantation de 1000 milliards d'arbres d'ici 2030. Si l'annonce se voulait ambitieuse, tenait-elle bien compte des mille et une contraintes auxquelles l'art délicat de la reforestation doit se conformer? Car il ne suffit pas de planter une forêt pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Cette logique de plantation massive peut même s'avérer totalement contre-productive si l'on ne tient pas compte de certaines réalités écologiques, sociales ou économiques. L'enfer écologique est-il alors pavé de bonnes intentions forestières? C'est un pas de deux subtil qui est en train de se jouer en sous-bois. Reforestation, les racines du bien, c'est la question touffue à laquelle nous allons nous atteler dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour parler des enjeux nombreux autour de la reforestation, nous avons le plaisir d'être en ligne aujourd'hui depuis le Guatemala avec Marie-Ange Gobieng. Bonjour. Bonjour et merci. Merci à vous. Vous êtes chercheuse en écologie forestière de l'unité de recherche forêt et société du CIRAD, actuellement rattachée au Centre agronomique tropical de recherche et d'enseignement au Costa Rica, et vous avez contribué à l'ouvrage « Vivre avec les forêts tropicales » paru aux éditions Muséo. Et nous sommes également en ligne avec Julie Allemand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse CNRS dans l'équipe climat du Centre européen de recherche et d'enseignement en géosciences de l'environnement à Aix-en-Provence. Mais avant d'entamer notre discussion, il est l'heure de retrouver celle qui nous guide telle une fée des bois dans la brocéliande brumeuse de l'actualité scientifique. Il s'agit bien sûr de Natacha Triou pour le Journal des sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Antoine. Et nous ouvrons ce journal avec les tout premiers résultats sur l'efficacité des vaccins contre le variant Omicron du SARS-CoV-2. Oui, grâce à une prépublication parue hier sur le site MedArchive et qui provient d'une équipe sud-africaine. Alors comme avec les précédentes souches du SARS-CoV-2, les chercheurs ont regardé l'efficacité biologique en termes d'anticorps neutralisants. Ils ont récupéré des échantillons sanguins de 12 personnes, soit vaccinées et infectées, puis ont regardé la capacité de ces sérums à bloquer in vitro l'infection de cellules par le virus Omicron. Alors ce qu'ils montrent, c'est que le vaccin de Pfizer induit moins d'anticorps neutralisants dirigés contre ce variant. Sur le variant Delta, nous voyons 2 à 3 fois moins d'anticorps par rapport au virus d'origine. Ici, nous avons une réduction plus importante avec une réduction d'un facteur 40. Jean-Daniel Lelièvre est chef de service en maladies infectieuses et immunologie clinique à l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Il est expert en vaccination. Alors ceci, est évidemment, pose des questionnements, mais il faut retenir deux choses quand même dans ces résultats qui peuvent paraître comme ça un petit peu inquiétants. Tout d'abord, ces anticorps neutralisants sont intéressants, sont un élément biologique de l'activité des vaccins, mais il n'y a pas ce qu'on appelle de corrélation complète entre le taux des anticorps et la protection, notamment contre les formes les plus sévères. On avait vu avec le variant bêta déjà une diminution de l'efficacité des vaccins, cette diminution de l'efficacité biologique, cette perte d'efficacité des anticorps induits par le vaccin contre le variant bêta. Pour autant, si on voyait dans les études cliniques ou dans les essais cliniques ou dans les résultats en vraie vie, une diminution de l'efficacité contre les formes symptomatiques, elle n'était pas majeure. Et surtout, on avait une conservation de l'efficacité contre les formes les plus sévères. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que dans cette étude, qui est en préprint qui vient de paraître, on voit que les gens qui ont eu un antécédent d'infection et qui ont reçu un vaccin gardent une efficacité neutralisante qui est certes diminuée, mais qui est présente contre le variant Omicron. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a eu suffisamment de stimulation par le vaccin ou l'infection, on est capable de restaurer quand même une certaine activité neutralisante contre ce virus, et c'est le cas quand on a été infecté et vacciné, ou par exemple, ce qui est le cas à l'heure actuelle, quand on a reçu 3 doses de vaccin. Donc, si 2 doses de vaccin ne semblent peut-être pas efficaces de manière, je dirais, optimale contre ce variant, une 3e dose de vaccin permet de restaurer une efficacité, et donc c'est plutôt un message encourageant et un message qui vise à dire faites-vous réaliser une troisième dose de vaccin. Et par ailleurs, les groupes Pfizer et Moderna viennent d'annoncer que leurs vaccins seront adaptés aux variants Omicron d'ici mars 2022. Vous pouvez, comme chaque jour, retrouver cette étude et les suivantes sur le fil Twitter de l'émission @laméthodefc. Vous pouvez également réécouter le journal des sciences et toute l'émission sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France. Et on passe au bref. Hier, Airbus a annoncé le lancement de la mission Ariel. Ariel, c'est la prochaine mission de l'Agence spatiale européenne pour l'étude des exoplanètes. Airbus a signé un contrat avec l'ESA pour cette mission qui s'inscrit au cœur de son programme Cosmic Vision. Le futur satellite va analyser près de 1000 planètes extrasolaires afin de mieux comprendre leur atmosphère et leur composition chimique, que l'on connaît mal, mais aussi leur formation et leur évolution. Le lancement d'Ariel est prévu en 2029 à bord d'une fusée Ariane 6, une mission qui devrait durer au moins 4 ans. En bref toujours, une nouvelle étude parue dans la revue JAMA Psychiatrie annonce que l'inflammation pourrait bien jouer un rôle dans la dépression. L'inflammation, cette réaction du système immunitaire, est soupçonnée depuis quelques années d'être liée à cette pathologie mentale. Une équipe américaine a étudié près de 400 000 dossiers de santé. Ils ont étudié des personnes qui souffraient de dépression et celles qui n'en souffraient pas, mais qui présentait un risque génétique élevé d'en développer une. Les chercheurs ont découvert que la dépression et son risque aigu sont associés à un niveau très élevé de globules blancs, un indicateur d'inflammation. Alors corrélation, ne veut pas dire causalité, mais selon les auteurs, nous pouvons peut-être commencer à penser à de nouvelles catégories d'antidépresseurs avec des thérapies axées sur la réduction des marqueurs pro-inflammatoires. Et enfin, une étude parue dans la revue eLife nous donne un aperçu de la biodiversité d'une forêt marécageuse vieille de 110 millions d'années. À Arigno, en Espagne, les chercheurs ont découvert un lit d'ossements de dinosaures, mais aussi des morceaux d'ambre qui ont piégé et conservé une grande variété de faune et de flore. Ces morceaux d'ambre contiennent 11 espèces d'insectes, des acariens, des grillons, des insectes volants, une chenille, 3 types de guêpes, mais aussi des toiles d'araignée, un fragment de plume, quelques restes de plantes et des excréments. Nous n'avions jamais eu accès à une telle paléodiversité, ni un aperçu si large sur les écosystèmes du Crétacé inférieur. Merci beaucoup, Natacha. On vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences. Dans un contexte de pression accrue sur les grandes entreprises pour répondre aux défis climatiques, Microsoft a promis ce jeudi que son empreinte carbone serait négative d'ici à 2030. Cet engagement doit conduire à l'annulation en 2050 de tout le carbone émis par la firme depuis sa création en 1975. Pour ce faire, Microsoft prévoit de se fournir uniquement en énergie renouvelable, de mettre en place une taxe carbone interne et de participer à des opérations de boisement et de reforestation. Voilà, on met un petit peu d'emblée les pieds dans le plat. Julie Allemand, une réaction à ce que vous venez d'entendre. Là, on entend une grande firme multinationale parler de reforestation. C'est bien différent, votre pratique, et en tout cas la pratique des personnes qui s'occupent de reforestation au quotidien. Oui, tout à fait, parce que j'ai envie de poser plusieurs questions à la suite de cette annonce. C'est quel arbre on va planter et où est-ce qu'on va les planter, surtout, et qui va être impliqué dans ces projets de reboisement, parce que, comme vous l'avez dit en début d'émission, planter au mauvais endroit et les mauvaises espèces, ça peut avoir des conséquences très importantes sur les écosystèmes, mais aussi pour les populations locales. Marie-Ange Gobieng, une réaction à ce court extrait de reportage et voilà, comment vous mettez ça en perspective, vous, par rapport à votre pratique au quotidien ? Oui, bien sûr, c'est très intéressant. Les écosystèmes forestiers, notamment les écosystèmes forestiers tropicaux, sont des systèmes vulnérables. Mais aujourd'hui, il y a des études scientifiques, notamment une étude récemment parue dans Nature Climate Change, avec un message fort qui est « Protect, manage and then restore lands for climate mitigation ». Ça veut dire « on protège, on gère et après ». Et ensuite, on peut restaurer les écosystèmes forestiers si on veut vraiment répondre aux objectifs d'atténuation du changement climatique. Donc, en fait, il faut vraiment qu'on attaque ces moteurs de dégradation. Pourquoi est-ce qu'on dégrade les systèmes forestiers avant de penser et aller planter ailleurs? Moi, je vois toujours la plantation sans attaquer le problème de la déforestation comme remplir une bouteille percée. C'est-à-dire, on remplit par le haut, sachant que ça s'écoule par le bas. Mmh. Oui, il y a tout un ordre à respecter. sujet, si on plante un petit peu le décor de cette pratique de la reforestation, Marie-Ange Gobieng, est-ce que déjà on peut définir un petit peu en quoi ça consiste? Et puis quelles en sont les bases scientifiques et politiques? J'ai l'impression que depuis peut-être une décennie ou deux, c'est une pratique qui a le vent en poupe et qui attire beaucoup aussi bien les chercheurs que les politiques, que les décideurs. Si. Je voudrais reparler, avant de parler de reforestation, je voudrais parler de restauration. Donc la restauration, c'est d'une manière générale, restaurer, ça se rapproche de réparer. Ça veut dire remettre dans un état initial ou alors dans un état similaire qui permet d'assurer les fonctions initiales. La fonctionnalité, c'est très important parce que la fonctionnalité permet la fourniture de services demandés. La demande peut bien sûr évoluer avec le temps. Si je retourne à la restauration forestière, la restauration se définit comme un processus visant à établir la fonctionnalité écologique, mais pas seulement, la fonctionnalité sociale aussi, la fonctionnalité économique des paysages forestiers. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est une approche systémique dans des paysages où la perte de la forêt a entraîné un déclin de la qualité des services fournis par les écosystèmes forestiers. Je parlais tout à l'heure, tout de suite, de la fonctionnalité et des services. Donc, la préoccupation en ce moment, c'est la dégradation. C'est suite à la destruction de ces systèmes forestiers, on a une dégradation des services qu'ils nous rendent. La dégradation, c'est quoi? C'est perte de biodiversité suite à la destruction de forêts, changement climatique, parce que les forêts et les arbres dans les forêts, spécialement dans les forêts tropicales, ont un potentiel reconnu pour la décarbonisation de l'atmosphère, c'est-à-dire cette capacité à enlever ce gaz à effet de serre de l'atmosphère. On a aussi une dégradation en termes de fertilité des sols, des dégradations liées au cycle de l'eau, la stabilité climatique locale et, très important, au bien-être des populations qui en dépendent. Donc, dans ce contexte, s'est mis en place il y a une dizaine d'années, on parlait tout à l'heure du challenge de Bonn, se sont mises en place des initiatives globales et régionales de restauration d'écosystèmes forestiers. Et c'est là qu'apparaît la reforestation, c'est-à-dire le rétablissement naturel ou assisté d'un écosystème forestier, sachant qu'un écosystème forestier, c'est pas seulement une collection d'arbres. Vous parliez, Marie-Ange Gobieng, du défi de Bonn proposé en 2011 par le programme des Nations Unies pour l'environnement. Je rappelle un petit peu en quoi consistait ce défi. C'était la plantation de 350 millions d'hectares de forêt d'ici 2030, entre 2020 et 2030. Alors, l'objectif était fixé d'abord à 2020, pardon, puis il a été reporté à 2030. Julie Allemand, si on continue un petit peu dans ce tour d'horizon des écosystèmes forestiers et des forêts, il y a peut-être une définition à faire, une définition qui n'est pas forcément évidente. Qu'est-ce que c'est qu'une forêt, au fond, puisque une forêt sous nos latitudes n'aura pas le même sens qu'une forêt tropicale, par exemple. Est-ce que là, il y a une difficulté dans les termes, une difficulté à poser le concept de forêt? Alors oui, tout à fait. Je pense que c'est vraiment essentiel de savoir qu'est-ce qu'on entend par forêt. Donc beaucoup d'études, même scientifiques, vont reprendre en fait la définition de la FAO, qui est un demi-hectare avec 10% de couvert arboré sur ce demi-hectare. Le problème, c'est que sur le terrain, ça va correspondre à tout un tas d'écosystèmes qui ne sont pas forcément des forêts. Je vais parler ici des savanes. En fait, les savanes, ce sont des écosystèmes naturels qu'on va retrouver dans les zones tropicales, mais aussi dans les zones tempérées, et qui sont définis en fait par un couvert ouvert. Donc, on a des arbres et on a un couvert continu d'herbes en sous-bois. Et ces écosystèmes fonctionnent complètement différemment des forêts, qui vont être plutôt définies comme ayant un couvert fermé. Donc ça, je pense que c'est une définition qui peut être appliquée à l'ensemble des forêts sur Terre. C'est qu'on a un couvert arboré qui est presque total et on a peu d'herbacées en sous-bois qui vont pousser. Après, c'est vrai que pour les forêts tropicales, on va avoir une complexité un peu plus importante avec différentes strates d'arbres et d'arbustes qui vont pousser en sous-bois. Ça, c'est pour la définition. Marie-Ange Gobieng, si on fait un état des lieux maintenant de la santé des forêts mondiales. Je rappelle qu'à la surface du globe, il y a 4,6 milliards d'hectares de forêts qui sont répartis pour 54% sur seulement 5 pays, la Russie, le Brésil, le Canada, les États-Unis et la Chine. Les 46 autres pourcents sont sur le reste de la surface du globe. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu l'état de santé des forêts sur la dernière décennie? Est-ce que c'est un état de santé qui globalement se dégrade? Comment est-ce qu'on évalue ça? C'est un état de santé qui globalement se dégrade. Particulièrement pour le cas des forêts tropicales où je travaille, qui représentent 45% des forêts globales, qui sont des lieux de hotspot de biodiversité parce qu'elles hébergent 60% des espèces connues. C'est des systèmes qui sont en constante dégradation, qui disparaissent à un rythme alarmant depuis les années 90. Donc, les forêts tropicales, c'est aujourd'hui donc le bassin de l'Amazonie, le bassin du Congo, les forêts tropicales d'Asie, mais c'est aussi pour plusieurs, dans plusieurs cas, notamment les forêts d'Amérique centrale où je travaille, c'est des fragments forestiers. Donc, c'est des fragments forestiers qui disparaissent. Pourquoi? Les causes sont connues. L'agriculture commerciale, l'exploitation minière et les dites plantations forestières. Donc, en fait, c'est des systèmes qui sont vulnérables. Et un critère très important, c'est des forêts qui sont habitées. Alors, l'histoire a voulu qu'on présente les forêts en dehors des populations qui y vivent, mais les forêts tropicales sont habitées. Et ces forêts sont aujourd'hui vulnérables et les populations qui y vivent sont aussi vulnérables. On peut rappeler peut-être, Marie-Ange Gobieng, les effets délétères de cette déforestation et le côté un petit peu cercle vicieux qui suit la déforestation ou la disparition d'écosystèmes forestiers. Marie-Ange Gobieng. Est-ce que vous pouvez reprendre la question? Oui, est-ce que vous pourriez un petit peu nous rappeler voilà quels effets délétères enclenchent cette déforestation et le cercle vicieux qui se met en place à partir de cette déforestation et quels sont ces effets vraiment directs et concrets sur tout un tas de strates? Ok, donc ce qui se passe, comme je disais, c'est que les forêts, notamment les forêts tropicales, sont un refuge pour de la biodiversité arborée. Donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a une exploitation non durable sur certaines espèces, c'est des espèces qui ont de la valeur, et du coup, ces forêts, par exemple, perdent de la valeur. Du coup, elles restent dans des paysages qu'on appelle des paysages sous pression humaine, c'est-à-dire ces forêts sont accessibles, et vu qu'elles ont été exploitées pour leur valeur commerciale, elles n'ont plus de valeur en comparaison à des usages à court terme, par exemple des usages agricoles ou des usages pastoraux qui répondent bien sûr à une demande humaine. On a besoin de planter pour se nourrir. Et c'est donc du coup, ce qui se passe, c'est... Allez-y, je vous donc, ce qui se passe, c'est que ces forêts, aujourd'hui, ce n'est pas la forêt protégée qu'on connaît, qui existe et où ça marche dans certains pays comme le Costa Rica où j'ai travaillé, c'est que c'est des forêts qui sont vulnérables, qui changent d'usage de sol justement parce qu'elles ont les populations autour ont besoin de pouvoir utiliser la terre. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les forêts tropicales, c'est 2/3 de forêts secondaires et dégradées. C'est des forêts qui n'assurent plus, qui ne répondent plus à la fourniture d'écosystèmes services qu'on attend d'un écosystème forestier préservé, par exemple. Alors, on parle de déforestation locale. Il y a aussi un effet délétère, c'est la déforestation importée, le fait que les pays occidentaux se fournissent dans ces forêts-là. Là aussi, c'est un effet majeur de la déforestation. Exactement. Le problème des forêts tropicales, c'est que c'est des forêts qui appartiennent au monde et dont l'utilisation est régie par des règles de commerce internationales qui dépassent le cadre propre de la forêt. Des cultures comme le cacao s'installent malheureusement au détriment d'écosystèmes forestiers, des cultures comme le café, des cultures comme la palme à huile qui font partie de notre consommation quotidienne, j'ai envie de dire. Donc du coup, c'est des systèmes qui sont vraiment des systèmes sous pression et qui ne peuvent pas être maintenus seulement par le seul fait de la volonté politique, sachant que dans plusieurs pays tropicaux, il n'y a pas de volonté politique, comme au Costa Rica, pour maintenir ces écosystèmes forestiers. Et on pense aussi, par exemple, au cas un petit peu canonique et problématique du Brésil actuellement. Et c'est dans ce contexte qu'interviennent de nombreux projets de reforestation. On y vient tout de suite. France Culture, la méthode scientifique, Antoine Beauchamp. Nous en venons donc du coup à la pratique de la reforestation. Julie Allemand, on peut peut-être d'emblée faire la distinction entre deux types de reforestation, la reforestation dite naturelle et la reforestation dite artificielle, celle accompagnée par la main de l'homme. Expliquez-nous un petit peu en quoi consistent ces deux grands champs de reforestation. Alors, du coup, avec la reforestation naturelle, c'est une reforestation qui va avoir lieu sans intervention humaine. C'est-à-dire qu'on va laisser faire la nature, la banque de graines qui est présente dans le sol. Et donc, on a certains arbres qui vont arriver en premier. Donc, comme les pionniers, c'est des arbres qui poussent bien à la lumière, donc ils vont pousser aussi très vite. Puis, sous l'ombre de ces pionniers, on va avoir d'autres espèces qui vont s'installer. Après, pour la reforestation assistée, c'est dans des cas où on a eu une zone qui a été fortement dégradée et où on n'a pas une banque de graines suffisante pour permettre à la forêt de pousser. Et dans ce cas-là, on fait appel en fait à de la plantation, souvent des petits plants qui viennent de nurseries, d'espèces endémiques. Mmh. Marie-Ange Gobieng, la reforestation naturelle, on est d'accord pour dire que c'est l'idéal? Ça dépend. Alors, expliquez-nous tout. Au Costa Rica, par exemple, donc je travaille sur la restauration forestière, notamment dans des conditions de réussite, où c'est vraiment une réussite de restauration par dynamique forestière secondaire, ce qui se traduirait par quelque chose d'idéal. Ça marche. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé au Costa Rica, c'est les forêts secondaires, c'est des formations forestières qui se forment de manière naturelle ou assistée après abandon de surfaces agricoles. Donc, qu'est-ce qui se passe, comme disait Julie tout à l'heure, les surfaces environnementales, climatiques et d'affic très importantes, tout est au rendez-vous pour que la reforestation se fasse de manière naturelle. Il existe des cas où l'environnement n'est pas favorable, le sol n'est pas favorable, alors il y a besoin d'assister cette reforestation. Et là, si on n'assiste pas à cette reforestation, si on pratique le « let it go », comme on dirait, ce qui se passe, c'est encore cette vulnérabilité. Donc, c'est pas assez rapide, c'est pas assez rentable. On restaure éventuellement des fonctionnalités écologiques, mais on n'arrive pas à restaurer des fonctionnalités sociales, des fonctionnalités économiques qui sont attendues par les populations locales. Et dans ce cas, laisser faire, ce serait le gage d'une overdégradation, de plus de dégradation. C'est là qu'intervient la main de l'homme dans ce cadre donc de restauration écologique de forêt. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu, Marie-Ange Gobieng, en quoi consistent les principales règles d'or d'un projet de restauration écologique de forêt pérenne, durable, sain? Un bon projet de reforestation, c'est quoi? Ok, je vais vous prendre encore une fois l'exemple du Costa Rica où j'ai travaillé, parce que le Costa Rica, c'est vraiment un exemple de transition écologique réussie. Donc, ce qui s'est passé au Costa Rica, c'est que les années 60 et 80, c'est un pays qui a été fortement dégradé suite à des activités pastorales, notamment à la fin des années 80, avec la baisse des cours de la viande et avec l'établissement d'un cadre légal forestier au Costa Rica, qui est caractérisé par la promulgation d'une loi forestière. Le pays a connu une dynamique forestière positive qui est spécialement due à l'implémentation de la dynamique forestière secondaire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la protection, parce que la protection des aires protégées matures qui restaient. Parce que la dynamique secondaire, je parlais tout à l'heure des facteurs environnementaux, ça marche s'il y a des forêts autour qui peuvent assurer, par exemple, la production de graines si le sol à restaurer est très dégradé. Donc, du coup, des aires protégées au service du tourisme, le tourisme qui lui-même au service de l'économie nationale, c'est-à-dire les populations profitent de cette conservation, de cette protection à travers un paiement pour services environnementaux. Mmh. Alors, du coup, oui. Donc, juste pour terminer, et donc il y a cette protection et ce paiement pour services services rendus à l'environnement permet aussi à des propriétaires privés de maintenir des arbres dans leurs espaces agricoles. Mmh. Ça veut dire, si on arrive à maintenir des arbres en conservation aussi dans des espaces privés qui ne sont pas conservés, on incite ces populations par des paiements pour services environnementaux. Et on voit bien que ça marche parce que ça se traduit au Costa Rica par une dynamique forestière positive qui n'est pas du tout liée à la plantation. Mmh. Costa Rica aujourd'hui, c'est moins de 3% de plantation. Julie Allemand, si on se maintient dans ce cadre de restauration écologique de forêt, on imagine aussi la nécessité de bien choisir les essences d'arbres en fonction de l'écosystème local. Là, c'est très délicat. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on ne tombe pas dans le panneau de planter des arbres tous de la même espèce? Comment est-ce qu'on va faire cette sélection-là pour que la forêt puisse être pérenne? Alors effectivement, c'est un critère central pour la réussite de la reforestation, c'est d'identifier les espèces qui poussent naturellement. Et donc ça peut se faire uniquement avec une connaissance fine de l'écologie des forêts localement. Et comme disait Marie-Ange, ça va dépendre de plusieurs facteurs environnementaux, que ce soit climatique, mais aussi édaphique, le type de sol, la disponibilité en eau, la longueur de la saison sèche. Tout ça va être des critères importants pour sélectionner les espèces qui sont les plus à même à s'installer et aussi à perdurer dans le temps. Marie-Ange Gobien, il y a aussi un élément capital en matière de reforestation, c'est le suivi de ces projets. Il ne suffit pas de replanter une forêt, il faut pouvoir aussi accompagner sa croissance et prendre son pouls régulièrement. Exactement, il y a le suivi. Donc, un des problèmes de la reforestation naturel ou assisté, notamment dans le cadre de plans de reforestation assistée, c'est la non-adéquation des espèces en fonction des conditions environnementales dont on parlait. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a beaucoup de mortalité dans les projets de forestation. Il y a beaucoup, beaucoup de mortalité. Donc, du coup, il faudrait qu'on arrête avec ces projets de reforestation, de replantation qui annoncent un type de... un nombre de surfaces, un nombre d'arbres plantés, et on ne parle pas du tout du suivi. On parlait tout à l'heure du challenge de Bonn. C'est 50% des compromis de restauration, c'est de la plantation, et c'est de la plantation avec 2, 3, 4 espèces commerciales connues, Eucalyptus, Acacia, Teck, Hevea. Or, ces espèces, on a démontré dans plusieurs instituts scientifiques que ces espèces, c'est du stockage rapide, certes, mais c'est aussi relié à des produits, à des chaînes de valeur de très courte durée, c'est-à-dire le carbone séquestré est remis dans l'atmosphère entre 5 et 10 ans. Donc du coup, le suivi, c'est déjà comment est-ce qu'on assure que les conditions de reforestation environnementales sont assurées, mais après, comment est-ce qu'on assure que les produits qui sont issus de cette reforestation se relient à des produits de longue durée de vie pour travailler à ce stockage efficace et à long terme du carbone dans des produits forestiers. Et on reviendra bien sûr sur ces pièges de cette pratique épineuse de la reforestation tout à l'heure, mais avant ça, Julie Allemand, je crois que vous souhaitiez réagir. Oui, c'est ça. Je vais rebondir sur ce que disait Marie-Ange. On parle énormément de plantation d'arbres, mais au final, la plantation, c'est juste la première étape. Après, il faut que ça pousse, il faut que ça perdure. Puis, il faut, pour stocker du carbone, il faut que ce soit pérenne et que ce soit sur des dizaines d'années. Le problème, comme disait Marie-Ange, avec ces plantations monospécifiques, c'est que en plus de ne pas être pérenne, on va avoir des services écosystémiques qui vont disparaître, qui étaient rendus là avant par la forêt et qui, au final, ne vont plus être rendus, que ce soit au niveau du stockage du carbone, mais aussi au niveau du cycle de l'eau. Hein. On va avoir, par exemple, les eucalyptus qui prélèvent énormément de ressources en eau. Et ça modifie complètement l'hydrologie locale, en plus de modifier la composition du sol. Et sous une plantation d'eucalyptus, il n'y a rien qui pousse. Marie-Ange Gobien, quand on parle de suivi, comme on le faisait à l'instant, on imagine que du coup, il doit y avoir un coût évident à ces projets de reforestation. Est-ce que ça coûte cher de reforester? Est-ce que c'est finalement pour ça que, malgré les annonces un petit peu des grandes firmes, finalement, les États s'y risquent assez peu? Ça coûte vraiment cher de reforester. Donc, il faut avoir ses plans. On a parlé des plans. Il faut pouvoir les installer. Donc, ça nécessite de la main-d'œuvre. Une fois que c'est installé, on parlait tout à l'heure du projet de la Grande Muraille Verte. Il y a besoin d'eau. Il faut pouvoir trouver de l'eau, il faut pouvoir trouver des ressources humaines pour pouvoir arroser, et il faut suivre. Et donc, du coup, ça coûte cher, c'est assez risqué, c'est pas aisé parce que justement, il y a plusieurs projets de plantation qui ne se passent pas, où il n'y a pas une bonne étude du contexte environnemental avant la plantation, et du coup, il y a beaucoup de risques de perte. Et je pense que c'est pour ça, du coup, qu'on peut être frileux à vouloir investir dans la plantation parce que, effectivement, c'est pas aisé. Des forêts, elles ont mis des milliers d'années à se faire, et donc les projets de restauration, ça se fera pas à coût de millions de dollars ou de millions d'hectares annoncés, ça se fera vraiment parce qu'on aura su interagir avec des populations locales qui, elles, si vraiment se basent sur leur savoir, on peut économiser beaucoup en termes d'argent, en termes de temps et en termes et gagner en efficacité. Mmh. Alors on va poursuivre bien évidemment cette discussion autour de la reforestation dans un instant, mais comme chaque mercredi, il est l'heure de retrouver la recherche montre en main. Une recherche montre en main aujourd'hui avec vous, Natalia Medina Serrano, bonjour. Ah non, Natalia Medina Serrano, bonjour. Oui, bonjour. Vous rentrez en musique, c'est pas mal. Vous réalisez votre thèse au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive à Montpellier. Vous êtes rattaché à l'Observatoire Homme-Milieu Tesekere basé au Sénégal sous la direction d'Anne Geneviève Bannière Urbani et Aliou Guissé. Et vous êtes encadré par Martine Hausser. Ce travail de thèse s'intitule « La Grande Muraille Verte, analyse spatio-temporelle et étude des interactions plantes-pollinisateurs des parcelles reboisées au Ferlo ». Nous vous écoutons, c'est à vous. Ouais, bonjour à tous. Comme vous l'avez dit, je suis actuellement donc à Montpellier. Et peut-être que ce titre que vous venez de citer est un peu long, mais bon, je vais essayer de vous résumer plus simplement. Donc, le projet, déjà pour vous contextualiser, c'est le projet de la Grande Muraille Verte qui a débuté en 2005 avec une initiative donc de l'Union panafricaine avec pour objectif principal de lutter contre les effets de changement climatique en Afrique et plus précisément donc pour lutter contre la désertification. Pour cela, donc, une vaste zone s'étendant du Sénégal à Djibouti et traversant l'Afrique d'ouest en est a été donc ou va être est censé d'être reboisé sous une ceinture de végétation. Bon, aujourd'hui, ce projet donc de restauration écologique fait appel à de nombreuses disciplines et à différents champs de recherche qui visent donc la restauration écologique de nombreux écosystèmes mis en danger par une très forte dégradation. Et l'observatoire en milieu Tesekere évalue depuis le début de ce projet l'impact de ces plantations et des reboisements menés par l'Agence sénégalaise de la Grande Muraille Verte depuis 2008. Et l'objectif donc de ma thèse est d'amener des éléments de compréhension pour savoir ce qui fonctionne ou non et pourquoi. Il est donc nécessaire de savoir quel est l'état actuel de ces écosystèmes, quelles sont les différentes stratégies donc de restauration qui ont été introduites. Et donc pour cela, je fais aussi un état de l'art permettant donc de répondre à ces diverses questions. La suite donc, c'est essayer donc de voir comment ces zones d'installation de mise en défense, donc ces hautes barrières pour protéger ces plantations, évoluent. Et essayer aussi d'identifier quels sont les bénéfices qui ont été apportés et pour toutes ces années d'intervention en termes de restauration et de divers services écosystémiques. Donc il faut savoir que naturellement, dans tout écosystème, un équilibre s'installe permettant donc à celui-ci de se pérenniser, par exemple avec des interactions entre pollinisateurs et plantes à fleurs, permettant à ces pollinisateurs donc de se nourrir, aux plantes d'être pollinisées, de se reproduire et de se disperser. On considère d'ailleurs souvent que la présence, la diversité et leur abondance reflètent donc un état de fonctionnement de cet écosystème. Mais ces systèmes de pollinisation sont souvent peu étudiés au milieu séminaturel sahélien et donc le but de ma thèse aussi est de mieux connaître et ces pollinisateurs, dans mon cas les insectes, puisque je ne peux pas tout faire, mais d'étudier comment ils contribuent à ce maintien d'un équilibre dans cette région. Si on peut déjà parler effectivement de restauration, donc l'idée est d'évaluer leur rôle, qui est donc des pollinisateurs en interaction avec ces espèces qui ont été plantées et les espèces qui sont naturellement présentes. Et afin d'évaluer donc l'influence de la diversité végétale sur ces interactions avec les différents pollinisateurs. Donc de faire ces comparaisons avec les parcelles reboisées depuis 2008 jusqu'à 2007 et des lieux qui n'ont pas encore été reboisés ou qui sont plus ou moins dégradés. Bon, bah, je vous remercie et puis merci de l'invitation. Et puis pour plus de détails, il faut aussi savoir que vous avez fait l'émission de désertification qui parle vachement de ce qui est vraiment la désertification qui, voilà, qui peut être aussi un complément de compréhension. Merci beaucoup de faire notre promotion, Natalia Medina Serrano. Merci. On va la partager, on va partager cette émission sur le fil Twitter de l'émission. Bon courage pour votre travail de thèse et puis merci beaucoup de vous être jointe à nous pour cette émission. Une réaction à ce propos, Julie Allemand. Là aussi, on voit aussi un aspect important qu'on a assez peu évoqué jusqu'à présent, c'est le rôle clé que va jouer la faune locale aussi sur l'accompagnement de ce travail de reforestation. Oui, tout à fait, parce qu'il ne suffit pas uniquement de planter des arbres. Ou d'autres plantes vasculaires, il faut que l'ensemble des participants à l'écosystème soit présent. Donc là, Nathalie a parlé des insectes pollinisateurs, mais il y a tout ce qui est toute la faune qui va participer en fait au maintien de la santé de l'écosystème. Oui, on pense par exemple à ces grandes chauves-souris frugivores qui vont, par leur déplacement, ressemer des graines et puis contribuer à l'alimentation de ce projet-là. Oui, totalement. L'ensemble des animaux et des insectes qui vont participer en fait à la dispersion des espèces vont être vraiment, ça va être crucial pour que le projet puisse être pérennisé. Marie-Ange Gobien, une réaction à ce propos de Natalia Medina Serrano et à ce travail de thèse? Je trouve que les projets de reforestation, comme le projet de la Grande Muraille Verte sur lequel travaille la collègue en thèse, répondent en théorie à des challenges soulevés par plusieurs traités et accords, conventions et accords et conventions internationales, les accords de Paris, la lutte contre le changement climatique, la désertification, la convention sur la diversité biologique. Et donc c'est très intéressant qu'elle parle de la participation de la faune des pollinisateurs. Moi, je me demande juste comment ce type de grands projets de plantation répondent aux besoins réels urgents de populations locales qui ont de ces sons vulnérables, je le disais, et comment ce genre de projet pourrait impliquer plus les populations locales et participer au fait que ces populations, comme au Costa Rica, soient des alliés, des maillons forts de la mise en place du projet de restauration. Moi, ce que je connais, le peu que je connais sur le projet de la Grande Muraille Verte, c'est que c'est une approche qui me paraît un peu top-down pour le moment. Donc, ça a été décidé, c'est un projet qui piétinait. C'était en 2007, il y a 4% des objectifs et il se dit que ça devrait être prêt pour 2030, sachant que le Sahara, s'il a été vert, c'était il y a un peu plus que 5000 années. Donc on se demande comment en 10 ans ils vont réussir ce qu'ils ont les 87 ou 85% de ce qui n'a pas été fait pendant les 15 dernières années. Donc je me dis l'approche est un peu top-down, donc ça n'a pas marché. Il y a eu des décisions cette année qui ont dit on va redonner un boost à un projet qui n'a pas lancé. Je pense vraiment qu'il faudrait faire une réflexion sur quels sont les besoins des populations sur place, qu'est-ce que sont les systèmes. J'ai dit tout à l'heure que l'agriculture, c'était une des principales pressions sur les systèmes forestiers. Donc, quels sont les systèmes agricoles des populations sur place et comment est-ce qu'on on pourrait rendre plus durable ces systèmes de culture, notamment par des travaux sur l'agroécologie. Et il y a plusieurs travaux de recherche de mes collègues du CIRAD et d'autres institutions de recherche sur l'agroécologie dans les systèmes de culture arides. Julie Allemand, voilà. Vous souhaitiez réagir en quelques mots? Oui, c'est vraiment pour rebondir sur ce que disait Marie-Ange. En fait, dans ces zones-là, il faut pas voir les écosystèmes naturels, ce sont pas des forêts, hein, c'est des savanes, c'est des écosystèmes qui sont quand même ouverts. Il y a des arbres, effectivement, mais ce serait utopique de vouloir essayer de faire une forêt, comme disait Marie-Ange. C'est une vision qui est complètement idéalisée et top-down. Et en fait, ce qui ressort en fait de ce qui essaye d'être fait par cette grande muraille verte, c'est qu'il n'y a aucune prise en compte des systèmes agroécologiques locaux, et que ça interfère complètement avec les circuits migratoires des communautés pastorales. Donc, ça intègre pas du tout les systèmes ancestraux de gestion des terres, oui. Et ça prend pas en compte les besoins en fait des des communautés locales. Et tout ça, on en parlait effectivement dans notre émission qu'on avait consacrée à la désertification. Restez avec nous parce qu'on va continuer justement dans un instant notre discussion sur la reforestation et on va parler des enjeux problématiques à maîtriser pour ne pas rendre un projet de reforestation contre-productif. Ce sera juste après ça. Anorak par Milk TV dans la méthode scientifique sur France Culture. Nous parlons tout au long de cette heure des enjeux liés à la reforestation et nous en parlons avec Marie-Ange Gobieng, chercheuse en écologie forestière de l'unité de recherche forêt et société du CIRAD, actuellement attachée au centre agronomique tropical de recherche et d'enseignement au Costa Rica. Nous sommes également en ligne avec Julie Allemand, chercheuse CNRS dans l'équipe climat du centre européen de recherche et d'enseignement en géosciences de l'environnement à Aix-en-Provence. Alors, les forêts sont une des solutions pour atténuer les effets du changement climatique en fonctionnant comme puits de carbone, mais peuvent aussi malheureusement devenir source de carbone. Quelles sont les causes des émissions de la biomasse forestière? C'est le sujet du reportage du jour. Avec vous, Alexandra Delbeau, bonjour. Bonjour Antoine. Vous vous êtes rendu aujourd'hui à l'École Normale Supérieure de Paris. Oui, j'ai rencontré Julia Lenoé, chercheuse postdoctorale au laboratoire de géologie de l'ENS. Elle cherche à comprendre quels sont les facteurs à l'origine de la dynamique de la biomasse forestière et surtout comment isoler et quantifier les facteurs à l'origine de cette dynamique. Pour cela, elle s'est appuyée sur les données de la FAO, donc en français ONU pour l'alimentation et l'agriculture, entre 1990 et 2020. Et elle a réalisé ce que l'on appelle une modélisation contrefactuelle. C'est-à-dire qu'elle a d'abord créé un modèle avec ses données. Une fois que le modèle était bien calibré, c'est-à-dire qu'il reproduit bien ses données, on lui soumet des hypothèses. Et on lui demande ce qu'il se serait passé si. Si, par exemple, les surfaces des forêts n'avaient pas été modifiées. Et en comparant le scénario contrefactuel au modèle initial, on peut ainsi isoler, par exemple, l'effet des changements de surface sur la biomasse. Et plusieurs hypothèses contrefactuelles ont ainsi été soumises, et ces résultats montrent que le moteur principal d'émissions de carbone est la déforestation. C'est un résultat auquel on s'attendait. Ce qu'on en ignorait, en revanche, c'est que l'accélération du taux de croissance des arbres est le principal facteur de compensation de ces émissions. Et cela doit nous inquiéter, car il est très incertain que ce mécanisme perdure. Le contexte de cette étude, c'est bon, évidemment le réchauffement climatique, mais donc dans le réchauffement climatique, on sait que la plupart des émissions annuelles sont liées à des émissions de carbone fossile et à la déforestation. Et les écosystèmes terrestres et les océans constituent un puits de carbone qui permet d'absorber à peu près la moitié de ces émissions annuelles. Donc en particulier, nous, ce à quoi on s'est intéressé ici, c'est à la dynamique de la biomasse des forêts, parce que si les écosystèmes terrestres, ils sont un puits de carbone, en revanche, la biomasse, donc c'est-à-dire toute la végétation des forêts, elle est actuellement une source de carbone vers l'atmosphère. Et ce qu'on a cherché à comprendre, c'est quels sont les facteurs de cette source. Pourquoi est-ce qu'il y a ces émissions de carbone dans les forêts? Comment identifier et isoler les facteurs à l'origine de cette dynamique des forêts à l'échelle globale? Donc, quel jeu de données vous avez utilisé? Vous avez utilisé des données qui datent de 90 jusqu'à 2020. Et qu'est-ce que cette approche que vous avez utilisée, qui est une modélisation contrefactuelle? Donc, je me suis appuyée sur les données de la FAO pour calibrer un modèle très simple. C'est un modèle de croissance forestière. Et donc, ce modèle, il va calibrer trois paramètres: un taux de croissance, une accélération de la vitesse de croissance et une biomasse théorique totale, qui est un peu un paramètre un peu moins important. Les deux premiers sont vraiment importants. Et donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est donc bien calibrer le modèle pour qu'il reproduise le plus précisément possible les données de stock de carbone dans la biomasse observées par la FAO de 1990 à 2020. Donc, voilà la première étape. Et la seconde étape, une fois qu'on a bien calibré ce modèle, c'est-à-dire qu'on lui a donné les bons paramètres, on va tester des hypothèses qu'on dit contrefactuelles, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il se serait passé si il n'y avait pas eu de changement des surfaces de forêt. En faisant ce « qu'est-ce qu'il se serait passé si ?», on fait une analyse contrefactuelle et en comparant le scénario contrefactuel avec ce qu'il s'est réellement passé, eh bien, on arrive à isoler l'effet des changements de surface sur la dynamique des forêts. Ce qu'on a fait comme scénario contrefactuel, donc on a isolé l'effet des changements de surface, on s'est posé la question « quelle aurait été la dynamique de la biomasse des forêts ?» s'il n'y avait pas eu de changement du niveau de la récolte, de changement de l'intensité des feux de forêt et de changement de la vitesse de croissance des forêts. Donc ça, c'est les six questions qu'on s'est posées dans nos scénarios contrefactuels et qui nous ont permis d'isoler et de quantifier l'influence de ces différents facteurs sur la dynamique qu'on a observée. Et quels sont du coup vos résultats? C'est ce qu'on voit là sur ce graphique-là. Est-ce que vous pouvez un petit peu le décrire? Donc les résultats de notre étude montrent que c'est la déforestation qui est le moteur principal des émissions de carbone à échelle globale. Ça, d'une certaine manière, on le savait déjà, mais notre étude le confirme. Par contre, ce qu'on savait moins, c'est qu'est-ce qui compense ces émissions de carbone? En fait, il y a quelques pays du Nord, dont voilà la France, le Royaume-Uni, quelques pays du Sud, où la reforestation conduit à un puits de carbone. Mais dans la plupart des pays où on observe un puits de carbone, ce puits de carbone, le principal facteur, c'est l'accélération de la vitesse de croissance des arbres. Est-ce que c'est un résultat étonnant? Comment est-ce qu'on explique justement un taux de croissance accéléré? Alors, c'est pas un résultat étonnant en ce sens que on savait déjà que les forêts croissaient plus vite. Mais on savait pas à quel point et à quel point par rapport à d'autres facteurs. Par exemple, ça peut sembler un peu contre-intuitif, mais l'augmentation des teneurs en dioxyde de carbone de l'atmosphère a un effet fertilisant sur la croissance des arbres. De même, l'augmentation de la température dans certaines régions boréales allonge la période de croissance des arbres, qui croissent sur une période de l'année plus longue, et donc ça peut résulter à une accélération de la croissance à l'échelle d'une année. Et est-ce que vous faites des modélisations pour le futur, la prédiction? Qu'est-ce qu'on attend de ça par rapport à l'évolution du taux de croissance, l'évolution de la reforestation justement? Le modèle que moi j'ai développé, il n'est pas prédictif puisqu'il est calibré sur des données passées et on ne sait pas si ces paramètres, ils vont rester les mêmes ou si on peut les interpoler dans le futur. En revanche, elle a de fortes implications pour la gestion future des forêts. Parce que quand on voit que le facteur principal de compensation des émissions de carbone par la biomasse des forêts, c'est l'accélération du taux de croissance, ça doit nous inquiéter. Ça doit nous inquiéter parce que ce mécanisme, il est très incertain. Et donc, toutes ces incertitudes font que ce serait contre un principe de précaution que de forger des stratégies futures basées sur le fait que les forêts vont continuer à croître toujours plus vite. Et quelles sont les poursuites de ces travaux? Sur quoi vous travaillez maintenant et... Alors là, je me suis beaucoup intéressée à la biomasse, donc à la végétation. Mais dans les écosystèmes terrestres, un autre puits de carbone important, c'est les sols. Et donc maintenant, je m'intéresse aussi plus au sol et à comment est-ce que les évolutions passées et à venir de la gestion des forêts sont susceptibles d'affecter également ce puits ou cette source de carbone-là dans les sols. Donc j'essaie d'avoir une vision plus complète de l'écosystème qui associe mieux la végétation et les sols. Et j'espère aussi pouvoir avoir des modèles un peu plus prédictifs pour faire des scénarios futurs qui pourront essayer d'évaluer quelles sont les stratégies les plus prometteuses en quantifiant. Là, j'ai des résultats qui donnent des implications un peu qualitatives, mais le quantifier avec des modèles prédictifs, ce serait encore mieux. Voilà pour ce reportage à l'École normale supérieure de Paris. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, Julie Allemand? Oui, bah alors effectivement, je comprends que ce soit préoccupant parce que le mécanisme principal étant l'augmentation du taux de croissance, on s'imagine bien que c'est pas quelque chose qui va être stable et on ne sait pas comment ça va évoluer non plus dans le futur. D'autant plus qu'on a une augmentation toujours croissante des zones qui sont déforestées, donc un relargage de carbone qui augmente. Mmh. Marie-Ange Gobien, une réaction à ce reportage? Oui, c'est très intéressant. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que les forêts stockent du carbone pendant des centaines d'années, et du coup, une fois qu'elles disparaissent, quand elles brûlent, par exemple, elles relâchent tout dans l'atmosphère. Et donc, c'est pas qu'après elles poussent plus vite, c'est pas la même forêt qui pousse plus vite, c'est une forêt, comme je disais, secondaire, c'est pas la forêt primaire. Donc, cette forêt est différente. Elle est constituée d'arbres qu'on appelle des espèces pionnières. Et donc, c'est effectivement des arbres à croissance rapide qui sont remplacés quand les conditions le permettent par des espèces à croissance plus lente et par des espèces à croissance extrêmement lente qui sont des espèces des canopées forestières tropicales que l'on connaît. C'est un peu comme nous, notre croissance. Donc, on grandit très vite, nous sommes des enfants et à un moment, on stoppe. Donc, du coup, il faut encore que cette croissance puisse se faire. Parce que ce qui se passe, c'est qu'une forêt qui a été modifiée, elle n'est plus primaire, elle est secondaire, elle est beaucoup plus vulnérable que la forêt primaire. C'est-à-dire, au Brésil, par exemple, les forêts qui brûlaient, c'était des forêts qui a été modifiées, c'était des forêts qui avaient été modifiées. Donc, il faut encore que cette forêt qui a été modifiée puisse grandir et donc puisse stocker ce qu'on dit qu'elle stocke de carbone, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas à nouveau détruite. Donc c'est vraiment une précision qu'il faut faire. La forêt qui disparaît ne pousse pas plus vite, elle est remplacée par un autre type de forêt, une forêt secondaire qui a des caractéristiques propres aux espèces pionnières, mais ces espèces pionnières ont des caractéristiques très différentes et qui rendent ce système forestier secondaire beaucoup plus vulnérable que la forêt primaire. Vraiment, il faudrait travailler à conserver ces forêts primaires. Et c'est quelque chose qui était décrit dans le reportage comme contre-intuitif et sur lequel on commence de plus en plus à mettre le doigt, c'est le fait que les forêts elles-mêmes peuvent participer d'une certaine façon. Alors bien évidemment, c'est pas des gaz à effet de serre ou des énergies fossiles, mais peuvent participer d'une certaine façon au réchauffement climatique. Ça, expliquez-nous un petit peu, Marie-Ange Gobien, pourquoi? Si, c'est en fait complètement le cas. En fait, les forêts depuis les années 1900, ce que je vous disais, c'est qu'elles sont émettrices. Elles ne stockent pas, elles sont émettrices. Et c'est juste parce qu'elles sont détruites. Une forêt qui brûle, c'est de la matière organique qui brûle, donc qui relargue du carbone. Donc c'est pas la forêt qui se qui par elle-même, c'est les actions humaines, anthropiques et éventuellement climatiques aussi, parce que les feux en forêt sont vraiment exacerbés par les changements climatiques, par les longueurs des saisons sèches qui sont de plus en plus longues, excusez-moi la redondance. Donc du coup c'est des forêts qui sont plus réceptives au feu. Donc du coup c'est la déforestation est l'une des causes majeures de la déforestation dans les tropiques et dans le monde ces dernières années, c'était les feux. Donc le feu, ça produit du carbone. Et puis, il y a un article très intéressant auquel ont participé des collègues de mon équipe sur les grands arbres des forêts tropicales africaines. Vous savez que les forêts tropicales africaines ont les arbres tropicaux les plus grands. Et donc, ces arbres, ils sont sensibles au changement climatique. Ils sont sensibles à l'augmentation des températures. Ils sont sensibles à la durée des périodes sèches. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont arrêter de croître. Et donc, du coup, pendant qu'on brûle d'un côté, pendant qu'on émet du carbone d'un côté, il y a il y a ces grands arbres qui n'arrivent plus à faire ce processus qu'on appelle la photosynthèse parce que du coup, elles se retrouvent dans des conditions climatiques qui sont très différentes de ce qu'elles ont connu il y a encore très peu de décennies avant. Donc, c'est vraiment critique. Dans ce contexte-là, la reforestation, alors je lisais en préparant cette émission notamment un dossier qui avait été consacré par la revue Epsilon à la reforestation, Julie Allemand, qui parlait de, dans certains cas, de reforestation qui était un remède pire que le mal. Est-ce que c'est un petit peu exagéré ou est-ce qu'il y a vraiment des cas où la reforestation peut finalement être plus nocive que bénéfique à un écosystème donné ? Alors oui, effectivement, planter des arbres au mauvais endroit, ça peut être extrêmement nocif. Moi, je vais parler du cas des savanes dans lesquelles je travaille beaucoup. Donc, les savanes sont des écosystèmes avec une canopée ouverte et on a un sous-bois constitué d'herbacées qui va brûler et qui contient aussi des herbivores. Donc, en fait, ces perturbations sont essentielles pour maintenir un haut niveau de biodiversité dans les savanes. Vous avez des girafes, des éléphants, des lions et tout un tas aussi de microbes dans le sol qui vont participer à faire une forte biodiversité. Si on plante des arbres dans ces zones-là, des arbres de forêt ou alors des plantations commerciales monospécifiques, on va enlever toute cette biodiversité. Mais pire que tout, c'est-à-dire qu'on va émettre le carbone qui était stocké dans la végétation primaire et dans le sol. Parce qu'il faut savoir que, alors qu'en forêt, le stockage du carbone, il est 50% dans la biomasse aérienne et 50% souterraine, que ce soit dans la matière organique du sol ou dans les organes souterrains. Dans les zones de savane ou de prairie, on a 90% du carbone qui va être stocké dans les sols. Donc, planter des arbres dans ces zones-là, ça va être complètement contre-productif en termes de stockage du carbone. Mais ça va aussi supprimer des terres qui peuvent être utilisées pour les populations locales, parce que en savane, on va brûler l'herbe aussi pour que les nouvelles pousses d'herbe soient utilisées par les troupeaux qui pâturent. On a aussi des zones agricoles. Et aussi, de façon contre-intuitive, le fait de planter énormément d'arbres dans ces zones, ça va empêcher les nappes phréatiques de se recharger du fait de la forte transpiration de ces arbres. Mmh. Marie-Ange Gobien, on comprend bien donc que la reforestation est un véritable casse-tête. Comment vous percevez ça au quotidien ? Ce sera le mot de la fin, il vous reste une petite minute et demie. Comment vous percevez cette reforestation aujourd'hui ? Est-ce qu'on a les bons outils, les bonnes armes pour mettre en place des politiques de reforestation utiles, bénéfiques, pérennes ? Je pense qu'il faut vraiment établir un dialogue entre ces politiques de reforestation, la recherche et les connaissances locales. On peut vraiment tirer parti des pratiques locales où les populations locales mettent en valeur leur système avec les contraintes qu'elles ont. Et on peut partir de ces pratiques pour, grâce à des outils de la recherche que l'on a, communiquer avec les politiques pour qu'on puisse implémenter réellement des pratiques agroécologiques avec pour base les populations. Il faut les prendre en compte. Ce serait mon mot de la fin. Bon, alors j'ai une dernière question à vous poser. C'est aussi, peut-être on peut rappeler que la reforestation est un outil bénéfique, qui peut être bénéfique, mais qu'il faut pas oublier que c'est pas une solution miracle, comme ont souvent tendance à le mettre en avant les grandes firmes qui mettent en place des politiques de reforestation gigantesques. Il y a encore, voilà, des solutions qui sont à notre portée, notamment réduire les gaz à effet de serre, réduire la production d'énergie fossile. Là, voilà, faut pas, oui, le jeu de mots est facile, mais ça doit pas être l'arbre qui cache la forêt. Et notamment, c'est l'utilisation des combustibles fossiles, c'est encore notre plus grand impact sur notre atmosphère. Donc, pour respecter les accords de Paris, il faudrait vraiment que d'ici 2050, notre consommation de combustibles fossiles ait diminué d'au moins 70%. Et on les connaît, ces pays qui consomment des combustibles fossiles. Donc, du coup, le fait d'aller replanter dans une partie du monde où des populations sont vulnérables, ça ne doit pas cacher le fait que nous devons réfléchir sur notre relation à la nature, sur notre impact sur les écosystèmes naturels. Merci beaucoup pour ce deuxième mot de la fin, Marie-Ange Gobien. Merci beaucoup à vous aussi, Julie Allemand, de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Un grand merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Natacha Triou, Mariam Ibrahim, Céline Lozen, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Loïc Dutoit, Alexandra Delbo, Nicolas Martin. À la réalisation, Olivier Bétard. À la technique, aujourd'hui, Valentin Bobinet. La méthode scientifique, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous réécouter sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France, et ça, c'est à l'infini.